Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté l'usine de l'appareillage d'automation de Pyongyang. Il a encouragé le personnel de l'usine en marche générale pour accomplir avant terme la stratégie quinquennale du développement économique de l'État par la capacité de se renforcer soi-même. Il a invité à opérer l'essor dans la production des appareils ménagers électriques par nos propres forces, techniques et ressources et à produire davantage d'articles de meilleure qualité, très demandés par la population. Précédemment, il s'est renseigné sur le réaménagement de la saline de Namyang, de l'Institut central de la pisciculture de l'Académie nationale des sciences et de l'Institut de l'arboriculture fruitière du Centre de recherche agronomique et a pris les mesures d'assurer au niveau suprême la qualité des bâtiments et de fournir à temps les matériaux de construction.